personne qui m'écoute, moi ici et toi là-bas. Il est temps de mettre le houla, de marier nos énergies. Oui, il est temps de mettre le houla et d'entrer en synergie. Synergie, synergie. C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui. Synergie, synergie. Synergie, synergie. C'est l'amour, la force et la foi. La réussite, ton poulet, toi. Et en étant partenaire, on repousse mieux les frontières. Toi et moi, eux et nous. Synergie, synergie, c'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est lui. Synergie, synergie.